Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film pour nos jeunes amis. Il était une fois, dans le Grand Nord canadien, un jeune castor espiègle et insouciant, mèche blanche. Il vivait avec Mère Castor et Petite Sœur, entouré de ses amis Petit Lynx et Petit Ours. Mais un jour, le barrage qui sert de refuge à Mèche Blanche et sa petite famille s'écroule. Mèche Blanche, alors emportée par le courant loin des siens, va découvrir une forêt hostile et braver bien des dangers. Dans une nature lointaine et sauvage, où le danger guette derrière chaque arbre, prêt à surgir au détour d'une rivière, faites la connaissance de Mèche Blanche, le petit castor, et de toute sa famille. Curieux, naïf, intrépide, toujours à la recherche de nouveaux amis, Mèche Blanche part à la découverte du monde. Maintenant, livré à lui-même, arrivera-t-il à survivre? Parviendra-t-il à reconnaître ses amis de ses ennemis? À surmonter les obstacles, à affronter les dangers, et surtout, à retrouver sa famille. Mèche Blanche, les aventures du petit castor, un superbe film, des images magnifiques, un vrai film de fête pour nos jeunes amis, réalisé par Philippe Calderon, raconté par André Dusselier, un DVD TF1 Vidéo.